Stop the music! Faut faire le plein de bonne humeur, ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct, on va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. 3, 2, 1. 20h, 22h. La trappe avec Jadoule et toute son équipe sur KIF. Waouh! Bonjour, bienvenue. Non, plutôt bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir. Hein. 20h01. On se rapproche d'une émission qui démarre à l'heure. J'espère que ça va, que vous avez passé un bon début de semaine. Je m'appelle Jadoul, si jamais vous avez loupé le générique. Comme je dis toujours, c'est subtil. La trappe, c'est votre rendez-vous du mercredi soir pour vous changer les idées en plein milieu de cette semaine. Surtout si vous êtes tombé sur ce nouveau format d'RTL Info. Ça s'appelle RTL Info répond à vos questions. Vous êtes tombé dessus? Non, pas, non. Pas cette semaine. Non, désolé. Cette semaine, Élise demande si on peut rouler avec une voiture à moitié dégivrée. Vous allez découvrir ça, ça se passe dans un instant. Ça va être incroyable. Avant ça, je peux vous dire qu'on aura une émission aux petits oignons. Oh. Oui, madame, oui, monsieur. On vous a prévu un jeu du texte spécial. Est-ce que vous avez déjà fait des manifestations dans votre vie? Oui, mais juste pour filmer. C'est tout, sinon. Oui, une fois, je crois, oui. Ah ouais? Oui, quand j'étais à l'école. Bon, là, on va vous endurcir. Croyez-moi, après ça, vous serez des leaders. Vous allez pouvoir aller en tête de gondole, quand on dit. On aura la minute tactile de Maëva. Tu nous as parlé de... Du Safer Internet Day qui a eu lieu hier. Rien à voir avec des surfeurs. Non. D'accord. Safer. La journée internationale de l'Internet plus sûr, voilà. Ah! Mais tu me fais tout spoiler. Plus sûr, safer. Ou acide, ça dépend des goûts. On aura l'interview combinée qui sera avec... Éric Métayer. Éric Métayer. Je crois que ça se dit comme ça. Métayer. Nickel. Ouais, on vérifiera ça tout à l'heure. Éric, quoi. Voilà, Éric qui est doubleur. Et on aura plein de jeux très amusants. Le top sera consacré aux titres les plus joués durant les manifestations. On reste dans les grèves. Vous allez voir, je vous prépare aux grèves parce que ça va arriver dans les prochaines semaines en Belgique. Vous allez voir, là ça se passe chez nos voisins. En France, là c'est la galère totale. Bah, c'est les pros là-bas aussi. Et puis ça va chez nous. C'est vrai que là-bas ils sont plus forts que nous. Ah hein. Ouais. C'est vrai qu'on commence un petit peu à s'y mettre, nous. T'as plus de sort du triangle dans le TGV, ils te font une grève. Et l'amour est dans le pré était de retour aussi, tant qu'on est en France, avec un nouvel épisode de Portrait. On va découvrir encore de nouveaux agriculteurs, ça va vous plaire. En attendant, je vous parlais d'RTL Info, répond à vos questions. Je vous avais expliqué que Élise demande à RTL si on peut rouler avec une voiture à moitié dégivrée. Vous êtes obligé de gratter toutes les vitres de votre voiture, tout simplement parce que, comme le code de la route le précise, vous devez garder le contrôle de votre véhicule à tout instant. Donc si votre visibilité est réduite, vous ne pouvez pas le faire. Et dans ce cas-là, vous risquez tout de même 174 euros d'amende. 174 euros d'amende, bon, c'est comme ça, les gars. Une autre option, madame, peut-être. Je vous rappelle aussi que pour dégivrer votre voiture, vous ne pouvez pas laisser tourner le moteur à l'arrêt. Vous risquez 130 euros d'amende. Ok, 130 euros d'amende. Bon, je sais pas ce que je préfère. Bon, une conclusion, peut-être une solution pour dégivrer ma voiture. Alors, est-ce que dégivrer sa voiture, c'est une nécessité? Eh bien, ce sera laissé à l'appréciation du policier. Voilà. Merci beaucoup, RT Info. Alors, ça, c'était... On a des solutions maintenant. On sait que bah tu fais ce que tu veux tant que tu te fais pas choper. Si tu te fais choper, ça dépend de l'humeur du policier. Je suis en train de calculer, c'est 300 euros si un méchant policier passe le matin. Ah, tu dois dégivrer, il faut le budget de dégivrer sa voiture. Ça. Avant c'était l'essence qui coûtait cher. Tu fais tourner le moteur, tu réchauffes la bagnole. Là maintenant c'est un peu de cher, courage. C'est un peu de courage, c'est tu fais un tout petit peu du carreau là, puis tu dis allez c'est bon, j'y vais comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vécu ce moment. Vous regardez votre portefeuille et vous vous dites quelle carte je vais sacrifier pour gratter ma voiture. Non, malheureusement, on n'a pas de soucis. Non, il y a que toi qui fais ça. Moi, j'ai le petit gratte-gratte dans la voiture. Et toi, t'es suréquipé. Toi. Et le pchip-chit, ça, je le conseille. Ça fonctionne bien, Le pchip-chit. Alors, ça fait mourir tous les poissons de la terre. Mais il y a le pchip-chit qui existe. Bon, bah après, il ne faut pas le mettre dans les poissons non plus. Dedans, non, c'est pas conseillé. Allez, merci RTL Info, en tout cas, pour ce répond à vos questions. Hein. La semaine prochaine, on a déjà la question. Doit-on sortir ses poubelles? Réponse d'RTL Info, à voir selon l'appréciation des odeurs des voisins. Affaire à suivre. C'est pas faux. Vous aimez James Bond? Oui. Ah, vraiment. Vous n'êtes pas seul. Michael Frilich. Friedrich. C'est un député NVA à la Chambre. Il roule depuis peu avec des plaques d'immatriculation rotatives. Voyez, en appuyant sur sa télécommande, en fait, il peut changer de plaque. Oh, il comme dans Taxi. Il peut avoir sa plaque de parlementaire et hop, d'un coup, il peut passer à une plaque classique. C'est fou. C'est génial, c'est dans Taxi, c'est ça le film. Oui, oui, mais en fait, je sais plus c'est quoi dans comme séquence. Si à un moment donné, je crois, il arrive à fond de balle, ouais. Et il va se faire flasher. Ah, il change de plaque. Voilà, il change de plaque à ce moment-là, et je sais plus c'était quoi. Bah, c'est exactement ce qu'il me faut. Oui, je confirme. Non, toi, c'est pire, il faudrait que ça change de voiture. Et mettre des petites bulles autour de la voiture pour éviter les dégâts. C'est quoi? Va faire de l'autotamponneuse en fait. Mais arrêtez. On peut revenir à Michael. Oui, pardon. Ouais, il est député, donc lui, en un claquement, il change de plaque comme ça. C'est génial. Attendez, il a trouvé ce système ingénieux grâce à James Bond. Il l'a déclaré, hein. Il a dit: je me suis inspiré de James Bond pour faire ça. Il a 42 ans, il a fait ce système juste pour se faire kiffer. Bah, c'est bien. C'est fou. Tu fais ce que tu veux quand t'es député. Ah bah, tant que c'est légal. Oh, puis de toute façon, ils s'arrangent avec la légalité, les députés. C'est vrai. Vous savez quoi, nous aussi on s'est inspiré de James Bond. Sauf qu'on n'a pas le budget. On n'a vraiment pas. Même la musique moins chère, s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux ça. Peut-être de la flûte. Là, on a le budget. Ah, c'est version la trappe. Hein. Bon, c'est bien, moi j'aime bien. Est-ce que vous connaissez M dans James Bond? Oui. M, c'est Madame, c'est Olivia, c'est la patronne du MI6. Je suis déçu qu'elle soit décédée. Les services secrets britanniques étrangers. Alors, elle est une femme dans un monde d'hommes, hein, mais elle s'impose sans peine dans toutes les situations et elle est reconnue par la plupart de ses homologues. Elle est très autoritaire vis-à-vis de Bond et elle a pas peur de lui rappeler ses défauts. Bon, sans lui dire, elle est convaincue que Bond, c'est le meilleur élément de tout le service. Ah, ça, que 007, c'est le meilleur agent et elle a toute sa confiance en lui. Mais elle doit souvent assumer les pressions qui vont avec. Bah, vous savez quoi, elle me fait penser à Maeva. Parce que ça commence par M. Non, parce que t'es une femme dans un monde d'hommes, l'air de rien. Ouais, c'est vrai, avec vous, oui, oui. Bah, l'air de rien, à la radio, il y a quand même beaucoup plus de mecs que de femmes. Ouais, c'est vrai. Ce qui est dommage, d'ailleurs. On est content que tu sois dans l'émission. Bonsoir, Maeva. Bonsoir, c'est trop gentil. T'as vu, je suis gentil, des fois. Ouais, oui, d'accord, oui. M, c'était pas l'artiste, le musicien. Non. D'accord. Mathieu Chedi, de rien oui, à voir. Voilà. Non, okay. On passe maintenant au responsable de la section Q. C'est, vous savez, division recherche et développement du MI6. Il fournit les célèbres gadgets de James Bond. Bonsoir Kix. Bonsoir. Ouais, et tu... Oula. Je suis désolé. Je voulais pas faire ça, excuse-moi, je pensais que c'était un stylo. Non. C'est pas un stylo, ça, c'est un fusil stylo, c'est un truc d'accord, piégé que tu m'as préparé. Okay. Ah, je suis désolé, pardon. Et voilà, vous voyez, je fais Bond. Enfin, je fais plutôt blonde. Mais ça, c'est autre chose. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Restez là. Le temps qu'on remette un peu de guitare avec Angèle et Aurel San. On se fait juste après le pour toi de la semaine. Retour sur l'amour et dans le pré. Oh. Bienvenue, l'émission s'appelle La Trappe. Je m'appelle Jadoul, l'équipe est là et ils sont très en forme. Et c'est oui. Ça qui m'inquiète le plus. Des chauffeurs dans Bruxelles et la soirée est longue. En forme de quoi aussi? Avec La Trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h sur KIF. Bienvenue. Alors on a pour vous le review, comme on dit quand on parle anglais. On a l'analyse de tout ce qu'il y a eu dans l'amour et dans le pré, mais version France. Alors je sais pas si vous suivez déjà en Belgique l'amour et dans le pré. En Belgique oui. En Belgique oui. Oui. Wow. Tu suis l'amour et dans le pré? Ah oui, généralement je suis, oui. D'accord. J'aime bien d'ailleurs. Maeva? Non, ça non. Bon, écoute, là ici, on va à l'international. On va jusqu'en France. Oui, monsieur. C'était le retour donc des portraits. Deuxième semaine et on a fait la connaissance de monsieur Jean-Paul. J'ai choisi le métier d'agriculteur parce que j'ai toujours été quand même amoureux de la terre. Je peux pas l'expliquer. C'est dans moi. Quand je prends de la terre dans mes mains ou quand je regarde la terre, s'il y a des vers de terre et tout ça, c'est pour voir si ma terre, elle est morte ou pas. Un ver de terre arrive à digérer, je crois que c'est 10 tonnes par an. Ouais. Manque de chance, j'ai vu l'autre fois un reportage à la télévision. Rédacteur, je sais pas s'il vient d'Amérique. Ah, ça y est, on a perdu Jean-Paul. Et là-dessus, on pourra jamais rien faire. Jean-Paul? Ah, c'est vrai que je suis bavard, je m'étale partout. C'est parce que je suis seul, c'est peut-être ça aussi. Oui, ça, je pense que c'est la plus grande explication. En même temps, c'est pour ça qu'ils font l'émission, ces agriculteurs. C'est pour trouver le grand amour. C'est important. Ouais. Moi, quand je suis seul chez moi, je parle aux objets, vous savez ça. C'est vrai? Bah ouais, je vois ma machine à café, je fais « Ah, mais comment ça va aujourd'hui ?»« Oh, bah oui, très bien, et toi ?» Alors là, il faut consulter. Hein. Oui. Ah, d'accord. Ah, tout le monde ne fait pas ça? Non. Non, je pense pas. Ah, je pense que c'est la solitude. En tout cas, pas avec la machine à café. Non. Moi, je le fais avec l'aspirateur, mais... Enfin, on a eu un témoignage très, très poignant, c'était le portrait de Patrick. C'est douloureux. Oui, c'est... Il me manque. On s'est arrêté quand même, les bras. Bah bien sûr. Parce que ça t'est jamais arrivé, hein. Non, jamais. Tu veux commencer avec moi? Oui. Allez. Attention. Je serai la première. Voilà. Et ils ont tout filmé. Oh. Oh. Écoutez les bruits. Il avale le micro. Ou la présentatrice. La vraie question, que sont-ils en train de faire? Et si on appelait Jean-Pierre Foucault, tiens? C'est une bonne idée, ça te dit quoi? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir monsieur. Bonsoir Jean-Pierre. On la tient pas celle-là. C'est votre dernier mot? On est mercredi et jouons maintenant à qui veut pécho Karine Le Marchand pour tenter de remporter rien du tout. Étant donné que pécho Karine, ça suffit comme gain. Bienvenue. Dans la séquence que vous venez d'entendre, que veut faire Patrick à l'animatrice? Réponse A. Un bisou sur la bouche. Réponse B. Un câlin. Réponse C. Un bisou sur la joue. D. Copuler. Vous jouez en équipe. J'ai besoin d'une réponse. Je dirais copuler. Réponse D, vous dites D. Copuler. Vous ça êtes d'accord l'un les non, autres. Mais non, il fait un câlin. Pas sûr, hein. Enfin bon. Votre dernier mot. Allez, honneur aux dames. Le câlin. Vous dites B. Un câlin. Réponse avec cet extrait. Voilà. Merci. Merci à toi. Ça ne vous a pas aidé? Non, pas du tout. Pas du tout. Voulez-vous toujours garder la réponse et ils ont fait un câlin? Oui. Bah, nouvel extrait. C'est la première d'une longue série, tu vas voir. Oui, bien. Est-ce que vous maintenez? C'est quand même très suspect, hein. Je dis rien, mais. Qu'ils ont fait un câlin. Un très long câlin, alors. Alors, oui, un câlin. La... C'était la bonne réponse. Yes! Vous gagnez. Une soupe au poireau. Ah, oh, ça, nickel. C'est bien, ça. Voilà, on n'avait pas mangé en plus. Mais c'est tout ce qu'on avait en stock. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Présent. Il faudrait que je trouve... C'était qui faisait ça? François Damiens. Oh là là, présent. Benjamin. Présent. Benjamin. Présent. C'est énorme. Un jour, j'ai eu un auditeur comme ça, je lui ai fait ça, il a pas aimé. C'est surtout qu'on lui a fait toute sa vie, je pense. Ouais, c'est ça le problème. À la fin, ça devient long, mais bon, ça reste toujours drôle. Manif. Oh là là, attention. Ça fait rage en France, ça arrive tout doucement chez nous. Là, pour l'instant, c'était les Décathlon qui étaient en grève début de semaine. Il y a eu aussi un peu la SNCB lundi, c'est du côté de Liège. Oui, oui, oui. Bon, mais ça, c'est habituel. Les Décathlon, ils sont. Pourquoi il y a plus de temps? Non, c'est parce qu'ils ont tous eu des augmentations sauf un entrepôt. Donc, par solidarité! Ils ont fait tous grève, voilà. Mais tu te tiens à l'actualité, je suis bluffée. Ah bah, l'air de rien, on prépare. Ah bon? Alors, au même titre que la merguez et les fumigènes, hein, il existe des classiques en manif, notamment les chansons. Vous connaissez la sono syndicale? Non? Eh ben, ça ressemble à ça. C'est Dédé dans son camion. Ah oui, on a l'image, là, oui, effectivement. Je vous montre la photo. Dédé dans son camion, casse ses petites patines de DJ, ses 4 CD. Et donc, voilà, il est là pour diffuser de la musique dans les rues avec ses petits haut-parleurs de fortune. pour que les gens puissent parader et scander des grands slogans. Nos revendications, avoir plus de pognon. La la la la la, la, la, la, la. On pas dans le furon. Oh bah. La la la la la la. Ouais, on va peut-être revoir la fin de la chanson là, parce que. Oui, justement, en parlant de chansons, voici le top des chansons de Sono Syndical. Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon. En numéro 1, on a Reventura. Oh la vache, si je savais que je diffuserais ça un jour dans mon émission. Voilà, la grève de l'orchestre. Oui. Sinon, on a un peu plus récent. Ce qu'on veut, ce qu'on attend, c'est des éclaircissements. Oui, d'accord, si vous voulez. Fabuloso Trobador avec Il nous ment. Pour faire une manif, ça passe bien. Toutes des découvertes. Ouais, des découvertes. C'est ce que j'allais dire. Ah, j'en connaissais pas une. Hein. Ah bah nickel. Tous des nouveaux hits, tous des nouveaux sons. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour faire ce top avec les gens et leur playlist enrichie pour faire la grève. Comme par exemple avec Francesca Solveni. Même la lutte s'amplifie encore. Dans la rue, nous allons alors. Et les gens viennent tout étonnés. Plissent le nez. Mais qu'est-ce que c'est? Wow. Ah, on voyage de génération en génération. Hein. Et sinon, inconnu, Jacques Dutronc avec l'augmentation. On va aller voir le patron pour une augmentation. Ah, celle-là, je la garde. On prendra ça toute la fin de semaine au bureau. Et sinon, on a les fouteurs de joie. Mon patron n'a pas fini de me harceler. Mon patron n'a pas fini de me harceler. On augmente les cadences. On augmente les cadences. On travaille le dimanche. On travaille le dimanche. On va délocaliser. Je peux vous faire un aveu? Oui. Je supporte pas ces chansons chorales. Moi non plus. Vous savez, ça me fait penser. J'ai rien contre eux, hein, et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, mais Trio. Oh non, non, par contre, là, tu t'attaques à quelque chose qu'il faut pas attaquer. Ouais, non. L'hymne de la campagne, c'est la même philosophie. Mais non, c'est chouette. C'est là qu'on entend. C'est vous. C'est sûr. Non, mais alors, c'est pire que ça, parce que là, on a Albert Magister. La guerre est déclarée. Et on fait sonner les cloches en défilant dans les ruines, comme pour la guerre à Carbine. On fait sauter l'outil. Tout le monde répond à l'appel, on secoue le patronat. Moi, je peux pas. Je peux pas. Pour moi, ça, c'est le groupe qui vient animer sous des tonnelles dans des fêtes de village. Écolo, écolo. Bah, c'est à peu près ça, les manifs. Bah, c'est vrai que c'est des barils en train de prendre feu et c'est des gens qui boivent un punch alors. Ah, ils sont où les autres? Je sais pas. Bon, bah, tant pis, on continue à boire alors. On s'en fait deux très très connus pour terminer. Ouais. Allez, on a Grève illimitée. Quand elle marche dans la rue. On a dit connu. La colère. Connu. La queue, c'est pointu. On va se tirer une balle avec ça. Et le dernier, Marc Orgeais. Ma courgette. Marc Orgeais. Ah, ok. Marc Orgeais. Mais celle-là, elle est connue, oui. Ouais. Final. Là, j'ai envie de faire une manif. Là, j'ai envie de faire des pancartes. Allez, on se prépare. Il nous faut une grande bâche. Maëva, donne ta culotte. Non, on rigole, hein, ça va. Pardon, je l'ai choqué. Ça va pas la tête. Non, on rigole. Je voulais vous battre. Moi, je ne suis plus là. Hein. Ça vous prouve bien qu'on est en direct. Je vais te tuer. Plaisante. Bon, alors, on va faire les titres de l'équipe. Ça va vous soulager. Moi, j'ai choisi... Ça met tout le monde d'accord, les Pink Floyd, non, Maëva? Oui. Un peu militaire. J'adore, mais ouais. C'est genre, on va manifester... C'est le but de la séquence. Oui. Mais non, mais en mode... Ah, tu m'ennuies. Il a plus envie, elle lâche l'affaire. Non, j'abandonne. Mesdames et messieurs. Kix, t'as pris quoi, toi? Don't Wanna Sleep. Vas-y, de Maneskin. C'est énorme. Et c'est le nouvel album Maneskin, ça. Ah ouais. C'est Rush. Rush. Il vient de sortir et ceux qui aiment le rock, vous allez kiffer. Maëva? Moi, j'ai pris Arcade Fire Weekend. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Tous ensemble. Au début, elle n'a pas choisi ça. Elle a choisi ça parce qu'elle s'est dit « Je suis une femme raisonnée et sage. » Mais après le quatrième verre... Mais après le quatrième verre, elle nous avait dit « Hey ya, moi mon son pour manifester, c'est ça !» C'est bon ça. On m'a plateforme qui a eu deux sorties de route là. Les toilettes pour vomir, c'est où s'il vous plaît? Je tiens à rétablir la vérité. Il y a des gens qui sont arrêtés sur le bord de la route qui ont fait putain. Mais c'est génial, mais je tiens à rétablir la vérité, c'est parce que tu m'as demandé, je t'ai dit ça, mais je me suis dit sur KIF, ils vont peut-être pas apprécier, ça va, voilà. Moi, à partir du moment où on met. Sur KF, c'est que vraiment. On peut mettre du Marilyn Manson. C'est open bar. Hein, nickel. Et d'ailleurs, c'est la seule émission où on passe de. À. Non, mais c'est incroyable. Première radio en Belgique. Et c'est notre force. C'est notre force. Ah, oui. Moi, je pensais que t'allais choisir ça. On n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour voir le défilé. Jadoul dès 20h sur KIF. Bon, moi je me mets. Dans quelques instants, on va faire le jeu du texte. On va justement chanter comme des grévistes. Et après on arrête le thème, mais on reste dans le thème là pour le moment. Maës, ça. Maës. Ça, ce qu'on écoute. Ouais, probablement. J'allais dire Maës. Je suis arrivé en plus, je vous parle en PM. La santé. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. C'est quoi tech? Jadoul, dès 20h, sur KIF. Je pense que vous n'êtes pas prêts, on va tester une séquence qui, à mon avis, ne reviendra jamais, comme le reste de ce qui passe dans cette émission. Mais... D'ailleurs, on n'est pas prêts non plus. on n'est pas prêts, non, mais c'est parce que c'est le jeu du texte. Alors chaque semaine, on essaie de refaire des choses. Il y a quelques semaines, on faisait les forains, il y a quelques semaines, on faisait un texte sans respirer, à rallonge oui. Là. Bon, aujourd'hui, on était dans le thème de la grève, donc on s'est dit, tiens, si on faisait notre propre chant de grévistes, je vous ai joint, là, vous avez tous en main, un prospectus qui est distribué dans de vrais manifs, comme si vous y étiez, et on va faire les trois chansons qui sont sur le Flyers. Donc, en gros, je désigne un lead qui démarre, et nous, on fait les chœurs derrière, mais il faut que ce soit, évidemment, la personne sélectionnée qui mène le chant. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Mais je sens bien Maëva là-dessus, puisqu'elle connaît la chanson. Oui. Étant donné que la première chanson qu'on a dans les manifs, c'est. Ça fait longtemps que t'es parti. Voilà. Maintenant. Daniel Balavoine, ça va, ça semble simple. Mais oui, nickel. Faut juste partir au quart de tour, parce que là, attention, voici l'instru. Nanana, tu vois, direct. Okay. D'accord. On peut faire aussi les nanana. C'est la plus simple. Oh, bah c'est non, il faut les paroles. Oh. Allez. Je m'excuse pour ma voix avant tous les on éditeurs. On le tente en direct. Mon fils, ma bataille de Daniel Balavoine devient ma retraite, ma bataille, version Maëva. Ça fait longtemps que je cotise maintenant. Je te vois privatiser ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin Macron serait là à me voler mon argent que j'ai acquis. Hey. C'est pas du tout. Vas-y, on apprend. En luttant. C'est mon argent. Heureusement que la chanson est pas rapide. Hein. Si. Et c'est quoi, on arrête le naufrage? Rigole pas, c'est à nous mais après, oui, alors c'est fini. Mais c'est vrai que c'est à nous. Oh là là, mais quelle horreur. Attendez, mesdames et messieurs, il vient de me donner le texte là, il y a 3 secondes. Là, on fait tout en impro là, quasiment. Oui, oui, bon, on a oui, le texte, mais. C'est le principe de la c'est séquence, vrai. C'est vrai, mais. Bon. Oui, mais. C'est compliqué. On arrête de se plaindre. Oui. D'accord. D'accord. Oui, monsieur. Enfin, deuxième chanson, Désirless Voyage Voyage. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage devient travail, travail. Et c'est Kix qui s'y colle, t'es prêt? Ouais. Au profit du patron. Ok, 3, 2, 1, go. Au profit du patron. Lance-le toi-même parce que tu vas pas réussir sinon. J'ai pas sous la main. Vas-y, vas-y. Ah merde, je vais le faire. 3, 2, 1. Au profit du patron. Quand tu seras vieux, tu mangeras tes doigts. Travail, travail. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Au profit des militaires. Des chars d'assaut pour semer la guerre. Travail, travail. Vol vers la misère. Allez, c'est attention. Bon. Oh, mais je me suis fait les cordes vocales. Oh non, c'est bon, ouais, ma dose. Mais c'était beaucoup plus entraînant, c'était chouette ça. Le dernier, c'est moi qui vais le faire. Ah. Michel Fugain l'a fête. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la t'as les mêmes paroles, toi. Comment ça? C'est les mêmes paroles que ce qui est marqué ici? Non, bah non. Bah non. Tiens, bah tout non. A changé ce matin. Je n'y comprends rien, c'est ce qu'il a dit. Oui, sauf que là, il dit c'est la grève dans la version qu'on va faire maintenant. Ok, un matin. Ah merde, j'ai loupé le début. Ah, mais j'arrive pas. Oui, c'est compliqué, hein. Attends, je réécoute l'original. Tiens, tout a changé. Okay. Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien. C'est la grève. La grève. Jeunes et vieux, petits et grands, on est tous unis. C'est la grève. La grève. Ouais, c'est ce que vont dire les patrons après. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Ok, t'es concentré. Ah, tu connais par cœur Maëva. C'était dans ma jeunesse. Après, elle s'insurge que je parle de son âge et après elle fait oui, mais ça c'est quand j'étais jeune. Urban music non-stop, c'est bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Vous savez, il y a 3 minutes, on a chanté. Oui. Bon, on a reçu ça. Oui, le 101, les urgences de la police, bonsoir. Il y a un énorme bruit, mais oui. C'est le plus mauvais karaoké de ma vie que j'ai entendu. Et c'est plutôt le C'est pas tout à fait ça, quoi. Oui, il va y avoir de la pluie dans les prochaines heures. On confirme. On fait de notre mieux, quand même. C'était nous, et on a fait de notre mieux. Et... Je fais bien de le préciser. Ah. Tout doux, madame. D'ici quelques minutes, on va jouer à l'interview combinée. Vous ne connaissez pas, c'est simple. On aura un doubleur de cinéma. Il a répondu à des questions aux médias Combini et nous, on a pris un coup de combiné. Comme ça, le moins drôle d'entre nous qui fera les questions les moins drôles se prendra le coup dans la tronche. Avant ça, la minute tactile, Maëva, c'est parti. Oui, mais j'aime bien comment tu m'as lancé. Voilà, ok. Toujours un truc à redire. Non, mais je m'y attendais pas, j'étais pas sur le top départ, mais voilà, c'est parti. Starting block, ça y est, on Let's go, 3, 2, 1. Top! Hier, le 7 février, c'était les 20 ans du Safer Internet Day, la journée internationale pour un Internet plus sûr. Voilà. Rien à voir avec les surfeurs. Non, okay. T'as déjà fait la blague, c'était pas drôle. C'est hors antenne. Mais du coup, les journées internationales, il y en a plein. Enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, pour cette séquence, j'ai décidé de m'y intéresser un peu. Et j'ai trouvé des journées internationales bien cool, utiles, que je trouve qu'on met pas assez en avant, comme par exemple la journée internationale du zéro déchet, le 30 mars. Ah, c'est bien ça. Oui, mais oui, la journée internationale pour la prévention et la guérison de l'exploitation des atteintes à des violences sexuelles visant les enfants le 18 novembre. Non, mais vraiment, je trouve que c'est des bonnes journées. Enfin, c'est intéressant. Et plus connu aussi, le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Ah oui. Mais alors, j'ai aussi trouvé des trucs un peu what the fuck, je dois le dire. Hein. Comme par exemple le 2 février, avec la journée mondiale des zones humides. Ça, c'est la journée de ma chambre. On ne vise que personne. J'allais dire. Non, mais si j'ai vraiment des problèmes d'humidité dans ma chambre. Je pense qu'un jour, le mur va tomber. Ah ben voilà, le 2 février, t'aurais pu commémorer ça. Minute de silence dans ta chambre. J'aurais dû mettre une bougie. Peut-être que le mur aurait séché. Alors, c'est pas tout. Il y a aussi le 15 mai, la journée internationale de la lumière. Ah oui, oui, si, si. C'est peut-être ma journée internationale. Non. Et la préférée de Gilbert Montagnier, qui est, figurez-vous, le jour de mon anniversaire, pour ceux que ça intéresse, le 29 juin. C'est la journée internationale des tropiques. À vous, celle-là, tu l'as citée juste pour qu'on mette la musique. C'est ça. Du coup, c'est des tropiques, hein, c'est ça, parce que j'ai coupé en faisant une blague. Oui, c'est des tropiques, voilà. Bon, bref. Donc, pour en revenir aux journées internationales, situées entre les plus intéressantes que j'ai citées avant et celles que je vais qualifier de plus originales, on a chaque année, au mois de février, la journée internationale d'un Internet plus sûr, qui vise du coup à sensibiliser parents et plus jeunes sur les risques présents en ligne. Donc, le Safe Internet Day, c'est une initiative d'abord européenne qui a eu lieu pour la première fois en 2004 dans 14 pays, pardon. Et ben voilà, depuis le dispositif il a évolué avec de nombreuses ressources en ligne pour les parents, les professeurs, ça c'est vraiment cool. Et plus de 150 pays y participent à l'opération chaque année. Voilà. C'est bien ça, c'est important. Oui, voilà. Et cette journée spéciale, elle a vraiment pour but du coup de mettre en place un cadre préventif et de dialogue autour des potentiels dangers d'Internet, autant du côté des comportements, donc avec le cyberharcèlement, pardon, le revenge porn, ça je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est horrible, c'est un moyen de chantage. Ouais, c'est ça, c'est souvent des gars sans vouloir vous viser, qui demande à une fille, vas-y, fais-moi une photo un peu dénudée, et puis après, il s'en sert comme elle, contre elle, et donc voilà. Ouais, les cyberattaques, voilà. Mais ça sensibilise aussi avec les contenus consommés par les plus jeunes, le rapport aux fausses informations, la pornographie, les contenus violents, etc. Mmh. Parce que, bah voilà, de ces temps-ci, je trouve que c'est super intéressant parce que. Il y a plein de dangers dans tous les sens. C'est ça, et Internet prend une place énorme dans nos vies, et de plus en plus tôt. Voilà, moi j'ai un petit frère, il a 7 ans et comme tous ses potes, il va aller voir des vidéos YouTube, mais on sait jamais sur quoi on peut tomber. Donc Pierrot. Pierrot, oui. Pierrot. Voilà, mon petit frère. Oh. Qui est fan de vous. C'est vrai. De nous. Oh, on l'embrasse. Pierrot. Voilà. Ouais, j'avais jamais vu écrit comme ça. C'est comme à l'italienne, hein. P-I-E-R-O. Piero. Piero. Piero. Pierlo. Non. Pierlo. Non mais c'est très dur. Franchement, heureusement que je suis pas parent, parce que moi, ça me ferait mal au cœur d'être papa d'un gamin et de vouloir tenir ma conviction de pas d'écran avant 6 ans. Pas d'écran avant 6 ans, c'est horrible, parce qu'il va se faire lyncher par ses potes. Ah ouais. Il va avoir envie, il va avoir une carence d'écran. Ouais. Bref, ça va être, je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre ça. Mais moi, je connais des personnes qui ont déjà eu, enfin, dont leurs enfants ont déjà eu Snapchat à 6 ans. Oh. Ah oui, non. Mais non. Snap, allez. Mais non, Snap. Et puis le nude à cet âge-là. Oh non. 20h-22h, c'est la trappe sur KIF. C'est immonde ce que je viens de dire. Oui, oui, oui. Censuré. Non, on vient de rappeler qu'il y a des dangers et tout. Donc oui, c'est ça. Ironique, ironique. Non. Ouais. Ironique. D'ici quelques minutes, l'interview combinée juste après Drake. Bienvenue. Wow. Le combiné, le combiné, le combiné. Calmez-vous. Ça arrive juste après. La trappe de 20h à 22h avec Jadoul. Jadoul. Sur KIF. On va garder leur tronche de gens concentrés là. Oh. Eh oui. Vous avez l'air si studieux. Là, on est en train de préparer nos devoirs. J'ai envie de vous mettre des bons points là, juste parce que vous êtes sage et calme. Merci. Ça a calmé tout le monde de savoir qu'on passait à l'interview combinée. Oui. Oui. Ça arrive juste après la pub. Oh. Nickel. Nickel. Une petite pause. C'est la récré là. Mais en fait, je vous explique, hein, ceux qui ne comprennent pas, là, qui découvrent l'émission pour la première fois, l'interview combinée, c'est une interview de Combini. Où on garde que les réponses, on fait des questions drôles. Sauf que pour être drôle, il faut préparer la question. Chose qu'ils n'ont pas forcément fait en amont. Non, mais on essaye de faire ça en direct pour que ce soit plus drôle. Voilà. On va pas préparer à l'avance, sinon c'est pas drôle. Tu ne nous rends pas compte. Enfin, ouais. Non. Tu sais que tu le prépares il y a 3 jours ou maintenant. Ça changera rien, le texte est ce qu'il est. C'est vrai. Et au contraire, si tu le prépares un peu à l'avance, t'as le temps de le peaufiner. Mince. J'aurais aimé la préparer à 3 jours, mais j'ai reçu les questions que tout à l'heure. Et moi, c'est arrivé par la poste, alors. Je suis désolé, le facteur l'a pas déposé assez vite. Tu veux rien. Je pense que t'es la personne qui a en tout premier toutes les infos. C'est mal. Mais attends, on peut pas et prendre les sons et les réponses. Et les réponses, hein. C'est lui qui range les trucs dans la machine et tout. Et il me fait ah bon? C'est maintenant? Je les avais eu. Ah. Juste après, on aura aussi l'occasion d'avoir notre séquence OK Boomer. Oh. On va parler TikTok avec Maëva et le FaceTime sera de retour. On va y jouer tous ensemble. Je suis pas sûr de cet accent non plus. On se retrouve juste après la pub. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Les hivers seront chauds chez vous avec des funérailles Marlière, une entreprise familiale où le respect et l'empathie envers autrui sont leurs valeurs. Spécialiste des foyers Pelé et Bois dans les marques réputées Piazzetta, Moretti Design, Calor. Une organisation complète de funérailles, de funérariums, tout type de cercueil, d'urnes, éclairage intérieur et extérieur, vente de pelés au top de la qualité. Mais aussi divers articles funéraires, bornes de recharge, mise en conformité, ainsi que vente de gros électros sur commande, en collaboration avec Alpha Flamme, avec un service après-vente sans faille. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Samedi, de 10h à 12h et de 13h à 17h. Téléphone 0 470 620 705 87 23 57 88 64. Vous pouvez retrouver leurs avis nécrologiques sur leur page Facebook Funérailles Marlière ou consulter leur site ambify.be. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Pas sûr ça, pas sûr. Bon, voici une vraie page de pub parce que c'est, ils sont bien rigolos, mais on n'a toujours rien compris. C'est le nouveau Rosalia que vous venez d'entendre et franchement, super frais, j'aime beaucoup. La trappe de 20h à 22h avec... C'est moi, bonjour. Sur KIF. Il est temps de faire l'interview... Combini et... Combini et... Combini et... C'est ce qu'on combine en fait. Putain, le mec il a un truc à faire. C'est envoyer le son Et il me fait le cirque Zavata. L'interview combinée. Rodriguez et fils. Père et fils. Ah la vache. Merci Kix. Appelle-moi de ne plus rien te demander. Alors ça va, c'était. Ouais ouais. Le principe est simple. Vous devez faire une interview telle que Combini l'aurait fait, mais avec des questions beaucoup plus drôles. Le seul truc qu'on garde de l'original, c'est les réponses. On joue cette semaine avec monsieur. Bonjour, je suis Eric Métayer. Bonjour monsieur. Eric Métayer. Et pas Métayer, comme on avait dit. Hein. Quoi? Métayer. Métayer. Non, je sais pas ce que j'avais dit, je sais pas. Métayer. Métayer. Métayer. C'est un comédien de doublage, vous savez, c'est lui qui avait fait la voix dans Monstres et Compagnie de Bob. Ok. Voilà, un petit extrait. Brazowski. Profite. Mais non. Moi, j'ai besoin de faire. Mais tu t'es pas regardé, il y a le trottoir qui s'affaisse quand tu marches. Voilà, ça c'est lui. Voilà. Et j'ai confondu, pardon. Et il fait aussi Lago dans Aladdin. Ok. Je vois moins, mais. Je sais ce que j'allais dire. J'ai jamais vu Aladdin, mais. Ok. Voici la première question, Maëva. Mais est-ce qu'on peut vanner les personnes qui ne sont plus de ce monde? Oui. Si. Non. Bah, dommage, voilà. Parce que j'ai que ça. Les chapeaux de la reine d'Angleterre. Si on avait trouvé un truc en fourrure pour lui foutre sur la tronche, c'était la même chose, quoi. Oh la vache. Mais c'est vrai qu'il avait toujours des looks spéciaux. Kix, que penses-tu de la chevelure de Pierre-Jean Chalençon? Si on avait trouvé un truc en fourrure pour lui foutre sur la tronche, c'était la même chose, quoi. C'est le bonhomme d'affaires conclu. Oui, c'est ça. Qui ressemble à Paul Naref. Ouais. Oui. Voilà. Qui est fan de Napoléon et voilà. Vous savez, en Angleterre, les gardes qu'il y a devant les bâtiments publics, ah avec oui, leur grand chapeau. Oui, oui, oui. Si on avait trouvé un truc en fourrure pour lui foutre sur la tronche, c'était la même chose, quoi. Et on était tous drôles. Ouais. Vous savez quoi? Pas de coup de combiné. Non, bah, pas de coup de combiné. Ça va venir, t'inquiète. Bah, justement, tiens, t'as bien fait de l'ouvrir. Deuxième question. C'était comment ton concours d'orteil de fer? Ça existe? À l'image, c'est un peu performant et c'est très drôle à faire, mais bon, c'est pas simple. Un bras de fer de pied? Voilà, d'orteil. Mais what? Ça existe, hein, j'ai regardé sur internet. Mais ils regardent vraiment des trucs bizarres. Non, mais je viens de regarder maintenant. Ouais. Et oui, en fait, l'autre fois, je te défendais en disant que t'as pas de problème avec les pieds, mais tu as vraiment des problèmes avec les pieds. Maëva? Une sextape. À l'image, c'est un peu performant et c'est très drôle à faire, mais bon, c'est pas simple. Hein. Ok. Moi, j'avais. Regardez. Voilà. À l'image, c'est un peu performant et c'est très drôle à faire, mais bon, c'est pas simple. Et à la radio, on n'entend rien. Les images vont bientôt venir. C'est vrai qu'on est sur YouTube. Vous tapez la trappe Jadoul et vous retrouvez toute l'émission en vidéo pour voir les tronches qui se cachent derrière ces voix. Je peux vous dire que c'est pas du gâteau. On va pas avoir des likes. Ah, voilà. Les gens, c'est pas de pouce bleu. On va avoir les seuls gens de YouTube qui regardent, mais sans l'image. Il faudrait, tu vois, une option dans le player. Ils mettent le son, mais ils coupent l'image. On peut couper le son, on peut pas couper l'image. Flouter, juste mettre le logo. C'est ça. Troisième question. Comment définirais-tu la veste en cuir de Johnny Hallyday? C'est une peau de vache. Ouais. Mais c'est une petite vengeance personnelle, pardon. Mon ancienne prof de néerlandais. C'est une peau de vache. Voilà. Oh, fallait que ça sorte. J'avais quasi le même. L'ensemble de mes professeurs, je les appelais en disant salut. Pouh, t'inquiète pas, elle. C'est une peau de vache. Voilà. On a eu les mêmes expériences. Kix? Merci. Bah, je vais m'en prendre encore un pour après, t'inquiète pas. Ça arrive. Okay, vas-y. La prise de mon casque qui est branchée ici dans la table. Je me suis éclaté avec ça. Voilà. Oui, parce que je viens de me le prendre là où il fallait pas. Eh, mais c'est mal foutu, ces piles à cette hauteur-là. Bah oui, c'est bon, ça je le dis, là je saigne, ça va. Je saigne. Hop, dans les cacahuètes. J'espère que tu voulais pas de descendance rapidement. Si ta chérie t'écoute, désolé. Ouais. Voilà, il a tout donné à la radio. Tout donné. Même un peu trop. Maëva. Ta dernière colonoscopie. Pardon? Ta dernière colonoscopie. Coloscopie. Colonoscopie. Non, c'est colonoscopie. Colono, tu dis? Scopie. Mais non, il n'y a pas de nous. Colonoscopie. C'est coloscopie, non? Mais je suis pas sûr. Mais franchement, je vais vérifier. Coloscopie. Ouais, j'aurais dit pareil. Colonscopie. Après, en français. Non, colonscopie, c'est encore plus. Colombe. Coloscopie. C'est comment, Maëva, en vrai? Alors, il y a coloscopie, mais je vais voir si colonoscopie. Mais peut-être que c'est pour le colon. C'est peut-être autre chose. Colonoscopie. Colonon. Pas le dire. Mais oui, mais les deux. Ah non. Mais oui, les deux. Ah non, c'est juste moi qui ai mal noté. Bref, tu peux la faire en entier, qu'on la valide. Ta dernière coloscopie? Je me suis éclaté avec ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Quoi? Je l'avais pas, donc je me mérite le coup de combiné. Yes. Et vous avez pas vu, cette semaine, c'est moi le mauvais élève. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. D'essayer en Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, OK Boomer, ça arrive. Et on va jouer au FaceTime. C'est Kix qui anime. Et c'est juste après. Oh, les gars. Oui. J'ai complètement oublié. Ah, bah comme d'habitude. De base, on avait vendu une émission tech. Oui. Ah oui. Ah, on va devoir parler tech. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Et justement, à ce sujet, on va rebondir sur l'actualité toute chaude d'aujourd'hui qu'il y a eu sur RTL Info à 13h. IBM, HP, Facebook ou encore Amazon ont également annoncé des suppressions d'emplois. Que se passe-t-il dans le monde de la technologie et de l'informatique? Décryptage avec Maëva tout de suite. Qu'est-ce qui se passe donc? Alors... non, je la piège, c'était pas du tout prévu. Il est l'heure de faire notre séquence OK Boomer. En gros, vous n'y comprenez rien à la technologie. Vous avez peur d'être dépassé par tout ce qui vous entoure. Oui. C'est déjà le cas pour certaines personnes. Ah oui, ah oui. Vous inquiétez pas, Maëva vous a tout résumé. On parle de quoi aujourd'hui? Eh ben, du coup, on parle justement des boomers. Enfin, pas vraiment des boomers, mais si vous n'y comprenez pas trop sur TikTok actuellement et que vous êtes plus vieux, ben, on se moque de vous. C'est la génération Z, donc les personnes nées entre 1997 et 2010, qui se moquent sur TikTok dans les vidéos des millennials. Donc, toutes les personnes nées, la première génération née avec Internet et née avant 97. Donc, à un an près, je me faisais passer pour les vieux. Qui se faisait lyncher. Donc, ça. On est tous de la génération Z. Oui, oh là là. À un an près, moi. La vieille. Et donc voilà. Donc, est-ce que quand vous vous enregistrez, vous attendez quelques secondes avant de parler, ou vous dites un petit mot banal, ou vous avez l'air paniqué? Moi, quand je démarre la caméra, je fais alors. Voilà. Ça enregistre. Comment ça fonctionne cette merde? Mais t'es considéré comme vieux. Ils appellent ça la millennial pause en fait. C'est vraiment ce petit moment où tu filmes et il y a une petite seconde où tu regardes et que tu dis ah oui c'est bon et hop tu te lances. C'est moi l'image. Ou même quand tu coupes, quand tu veux couper par exemple une vidéo. Allez voir, je vous en supplie. Si vous avez quelques minutes et que vous n'êtes pas au volant, allez voir l'Instagram de Pierre Palmade. Il finit toutes ses vidéos par. Voilà. Ça c'est. Voilà, publié. Il ne sait pas couper au bon moment et il monte pas derrière. Mais il y a plein de gens comme ça. Donc ça, il publie comme ça. Mais c'est génial. Chantal Goya, elle fait ça aussi. Mais là, tu vas vraiment chercher des. Oui, c'est vrai que j'ai des références. Elle poste des choses sur les réseaux. Chantal? Oui. Chantal? Oui, bien évidemment, Chantal. Chantal. Viens un peu, Chantal. Viens. Non, Chantal Goya, c'est fou. Non, mais vraiment, ce qu'elle publie, waouh. Bref. Bref, mais du coup, tu résumes plus ou moins bien, mais poussé à l'extrême, la millennial pause. Donc, si vous voyez parler de ça, c'est ça, en fait. C'est vraiment une trend sur TikTok. Et il y a vraiment des duos qui se font avec des personnes plus âgées, nées avant 1900. Jeunes versus vieux, quoi. Pas si vieux que ça. Et du coup, c'est des tags, etc. Il y a vraiment des blagues. Par exemple, si ça vous trahit, si quand vous lancez la vidéo, on voit un mouvement de yeux qui regarde vers le bas pour voir si c'est OK. Voilà. Et alors, il y a des duos qui se font avec des personnalités et on dit, bouh, millennial. D'accord. Voilà, comme ça je vous décode ça parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire. On paraît un peu plus jeune maintenant. Voilà. Et c'est vrai qu'on fait plein d'émissions depuis le début de la saison et on n'a jamais pris le temps d'expliquer boomer. Qu'est-ce que c'est un boomer? Un boomer, c'est un mec qui arrive un peu, vous savez, comme votre tata en pleine soirée. Salut les Jones! Et elle comprend rien. Et en fait, elle est un peu en décalage avec ce qui se fait de nos jours. Et c'est ça, en fait, un boomer. Okay. C'est quelqu'un qui arrive et qui n'est pas forcément au courant, qui n'a pas TikTok, qui n'a pas tout ça. Et qui, je vais vous dire, moi, depuis la dernière mise à jour d'Insta, là, cette semaine, je suis officiellement un boomer. Oh, les commentaires là, qu'on peut mettre, je comprends pas. J'ai l'impression d'être sur Messenger. En fait, Instagram, c'est devenu Messenger. Vous avez vos potes là, oui, qui apparaissent là-haut. Oui, c'est quoi ça? Oui, j'ai vu aussi, tu peux mettre une petite phrase. Et le pire, c'est que les gens sont bizarres, voilà. Moi, si je dois ajouter un truc, c'est laisser une note, voilà, et je peux écrire un truc. J'ai des potes qui ont écrit « acheter Imodium ». Mais pourquoi tu ne mets pas « connectez-vous sur KIF la trappe maintenant » Ouais, hein. Je faisais la foutre. Non, mais c'est vrai, bon, voilà, bref. D'ailleurs, on peut se rejoindre sur les réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Jajadoul. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Towson, c'est ce qu'on va écouter dans quelques instants. Ronicia, c'est maintenant, featuring Gazo. Et justement... Le FaceTime, c'est juste après. Kix va nous faire jouer, mais pas avec n'importe quoi. Eh non. Évidemment, avec 3 sons par personne, je vais devoir vous faire deviner un artiste. Donc ça peut être un musicien, un chanteur, ça peut être un comédien. Voilà. Ça peut être en fait de tout et n'importe quoi. J'ai 3 sons par personnage et vous allez devoir trouver au plus vite possible quelle est cette personne. Il y a 3 personnages au total à trouver. Voilà. Voilà. Et nickel. Peut-être un quatrième si vous êtes ex-aequo. Ah, si on est ex-aequo. Attention, voilà, il y a du jeu, il y a du jeu. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Oui, c'est pas on le peut pas être ex-aequo avec trois. Avec trois, ça peut pas être possible. On n'a jamais fait des maths, nous, tu sais. C'est chelou, ça. Mon téléphone, il fait du son alors qu'il est éteint. Mais t'as l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, ça, le téléphone? C'est de la tech, on comprend pas. Non, mais à quoi ça sert, ce petit bazar, là? Moi, de mon temps, il y avait une antenne. Allez, tiens, hop. Et tant pis. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. On n'est pas là pour chômer? Oh, non. J'adore faire ça. Ok. L'espèce de ça mec. Va aller, ça va. Tu, non, mais c'est toujours les grands directeurs comme ça qui sont dans des grandes réunions, ouais. Des grands séminaires. Ils font on avait les bons résultats. Oh, oh là là. Oh, l'abondance. Bravo. Une augmentation. Non. Tiré d'un fait réel ou. Ouais. C'est ça le pire. Je te propose qu'on fasse le FaceTime. Eh oui. Le jeu de kicks, c'est parti. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Rappelle-nous le principe. Alors c'est très simple, donc j'ai des artistes, ça peut être des musiciens. Lis le texte. Tu veux que je lise le texte, ok. Ouais, alors ouais. Je vais vous faire deviner non, trois stars. Dès le début, dès la première phrase. Bah on va jouer en trois manches, mais bah oui, mais ça, c'est on important. Le sait. Ah non, c'est mais important. Mais du coup, c'est en deux. Oh, oui, ok. Lis trois. Le texte et on se pose des questions après. Je vais vous faire donc deviner trois stars avec à chaque fois l'aide de trois sons pour chacune de ces personnalités. Dans le son, ça peut être donc un bruitage, un extrait d'interview, une musique originale ou modifiée. Mais attention, c'est trois sons par manche. D'accord. Donc ça peut former un rébus, ça peut être plein de choses, ça peut être explicite, ça peut être okay. Voilà. D'accord. D'accord. Vous devez réfléchir à haute voix. Très bien. Et si vous avez la réponse, vous me le dites et j'appuierai sur le buzzer. Mais non, bah non, vous avez un buzzer. Bah, idiot, va. Bah, vous avez buzzer. Votre buzzer là, bah alors c'est regarde, parfait. Je teste mon buzzer, je peux. Allez, j'y vais. Vas-y, Maëva. Du coup, oui, je veux tester le mien aussi. Maëva. Ok. Oh, voilà. On a chacun un buzzer. Il fait flipper. Magnifique. En fait, c'est un Daft Punk. Ouais. Je peux en avoir un aussi? Oh. Mais tu joues pas, magique. Idiot, t'es le présentateur. Oui, mais ça donne bien. On peut démarrer, s'il te plaît. Vous êtes prêts? Donc, avec le premier extrait. Be you. Be proud of you. Ouais. Because you can be. Do what we want to do. Vas-y. Bah, c'est François Hollande. Ouais, on est d'accord. Ok. Ouais. Deuxième extrait. Ok. Oui. Oh non, franchement, ça me gonflait, hein. J'ai l'impression que c'est mal programmé, ce machin-là. Bah non, A, B, C. Ok, bon, on va passer à un autre extrait, d'accord? En fait, je pense que le truc était mal mis dedans ici. C'est pas grave. Allez, on reprend, premier extrait, attention, le A, vous êtes prêts? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. En fait, c'est les bonus qui ont été mis là. C'est des bonus comme ça, qui sont perdus, qui sont mis ici, c'est pas grave. C'était marqué 7, voilà, bonus, voilà, qui servait absolument à rien. Mais pourquoi t'as cliqué dessus? Parce que je l'ai programmé comme ça. Et c'est la première fois que je touche l'écran tactile ici. Hein. Bon, oui, alors, c'est vrai. On s'adapte, on s'adapte. Bon, allez, c'est parti. Non, on va perdre je du temps. Je vais quitter cette émission. Mais non, Andy. Souviens-toi. Premier extrait. Vas-y. Bob l'éponge. Ok. Bon, ouais. Bon. Mais c'est pas la réponse. Ah, noté. Ah, bah oui, mais. Ah, elle est bloquée. Ok. Non, je suis pas bloquée. Si. Non, non. Deuxième extrait. C'est simple. Eva, ok. C'est Bob Marley. Voilà, bonne réponse. C'était Bob Marley. Ok, d'accord. Ah oui, voilà, Bob, vous avez compris Bob le principe l'éponge, du coup. Voilà, okay. Bob l'éponge. Il y avait un troisième extrait aussi. C'était le fils de Bob Marley. Ah oui, Dylan. Voilà. Mais non, c'était pas Dylan. Ça s'appelle comment lui déjà? Le nom sous la main, mais. D'accord, donc Bob Marley. Voilà, bon le, bah du le coup. Point, le point le va point Maëva. À Maëva. Damien. Hop, voilà. Damien, c'est ça, exactement. Damien Marley. Bravo Maëva. Bon, vous êtes parti. Pour la suite, on continue. Alors là, aucune idée. Aucune idée. On peut avoir le deuxième indice. Ouais. Deuxième indice? Ouais. Pris d'une envie pressante au moment du décollage, l'acteur ne peut accéder aux toilettes pour des raisons de sécurité. Il se soulage alors dans une bouteille vide. Mais voilà, le contenu déborde et crée un véritable scandale à bord. Résultat, le vol est retardé de plus de 2 heures. J'en ai aucune idée. Allez! Je suis complètement perdue. Troisième pas indice. Idée, troisième. Toujours pas. Vous avez de la chance, j'en ai mis 4 pour lui. Déjà, il y a eu une info. Vous l'avez pas entendu passer. Il a dit lui. Non. C'est quelqu'un qui pisse dans les bouteilles. Ça parlait déjà d'acteur. Ah, ouais. Okay, j'en dirai pas plus. Prends pas de bois. Tout seul. Ils sont en train de vider ma loge. Gérard Depardieu, Gérard Depardieu. Oui, bonne réponse. J'ai pas buzzé, je sais plus où est mon buzzer. Voilà, c'est bon. Un double Jadoul. Je peux revoir le troisième extrait. Le troisième extrait. Prends pas de bois. Tout seul. Ils sont en train de vider ma loge. Waouh, mais t'étais hyper. Je reconnais la voix directe, moi. Moi, j'aime beaucoup les voix, ouais. Tu as certainement reconnu c'est ça. C'est trop fort. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau l'aimer que toi, lui, j'ai beau t'aimer d'amour. Et donc la première chanson, c'est lui qui chante. La première chanson, c'était également lui qui chantait, oui. Ah bah okay. Je viens de découvrir qu'il chante. On fait la dernière en speed. Du coup, ça fait 1-1. Bah oui. Merci. Merci, merci. Attention. Si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde, attaque-moi sur les réseaux. Quand t'es face à face avec moi, Hanouna, dans la même ville que moi. Ta gueule. Ta gueule était dans le soir. Oui, Hanouna, tu dis. Ouais. Du coup, Hanouna, bon, bah, c'est pas la bonne réponse. Ah. On continue. Deuxième extrait, pas d'idée, Jadoul. Moi, je préfère donner une réponse quand je suis sûr de moi. Ok. Attention, deuxième extrait. Wow. C'est tellement déformé, j'en sais rien du tout. Ah oui, sinon c'est trop simple. Hein. Est-ce qu'on peut passer au dernier extrait? Dernier extrait. C'est aussi. Booba. Bonne réponse, ça fait 2 points du coup pour Jadoul. Les gars, t'aurais pu passer 70 extraits, pardon, je l'aurais jamais trouvé Booba. Mais non, mais. Donc, le premier extrait, c'était bien sûr le clash qu'il y a eu entre Booba et Hanouna. Et donc, du coup, bah, là, en fait, c'était... j'ai entendu Petit Ours, je me suis dit Chantal Goya. Ah, Chantal oui, Goya, oui, Booba. Booba, Hanouna, clash. Et là, c'est comme ça que j'ai voilà, trouvé. Mais je veux savoir pourquoi Chantal Goya, Booba. Mais parce que Booba. C'est le nom de sa chanson. Booba l'ours. Booba. Booba. Et là, j'ai bien sûr inversé les paroles, du coup. Et c'est un remix ici. Hein. Waouh, mais c'est un mindfuck ton truc. Ah bah, c'est un principe. Faut que ce soit compliqué, sinon. Mais bravo, Kiss. Merci pour le festival. À retrouver en podcast partout. 20h, 22h, c'est La Trappe sur KIF. Voici du belge Franglish et Towson. Juste après, il sera l'heure de faire les infos qui passent à La Trappe. Towson et Franglish, à l'instant, c'est belge et c'est très très bon. J'ai juste un truc à leur dire. Towson et Franglish, troisième fois, ça s'écrit pas comme ça. C'est pas 3-E-M-E, c'est 3-E. Voilà, comme ça vous savez tous, ce serait plus la faute. La faute de graphiste. C'est une info de graphiste, ouais, c'est vrai. Mais c'est même une info de typographe, on peut dire. Ah, oh là. Heures, 22h, c'est La Trappe. Dès 20h, c'est nous. C'est Jadoul sur On est content de vous retrouver. 8 février déjà. Oh, il n'y a plus de saison, ma pauvre Lucette. On va voir dans quelques minutes Radio Falminioul. Ils sont de retour, les deux joyeux hurons. Oh là là. Et bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Maëva, tu vas être contente. Ils ont fait plus court. Ils ont fait court. Vraiment? Ah, ouais, ça va être sympa. Ils ont été piratés. Ah, voilà. Il ne faudra pas louper ça. C'est d'ici quelques minutes. On va aussi parler du Twitter Blue, Maëva. Oui. Oui, qui est sorti la semaine dernière. Non, c'est Cui-Cui, l'oiseau. Ah oui, pardon, Cui-Cui. Non, Twitter Blue, alors est-ce que ça flop, est-ce que ça marche? Tu nous diras tout dans un instant. Ouais. Et on va retrouver Jean-Michel qui va bien. On a pris des nouvelles, on s'est assuré qu'il était là. On va la voir, on va le retrouver dans son troquet, dans son bistrot. On va se connecter à lui. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Kix, toi qui le gère, toi qui gère cette séquence. Je gère, mais... Enfin, tu tentes. Ouais, alors là, j'ai pris une aspirine, c'est bon. Non, bah, il faut être courageux avec lui, parce qu'il faut s'accrocher. Hein. Le mec part dans tous les sens, et surtout, on sait jamais comment on le récupère. Toujours dans des états pas possibles, Jean-Michel. Bref, on le retrouvera d'ici en quelques minutes. Et le Blind Cake arrivera à 22h pour jouer avec les pires reprises de TikTok. Et les pires joueurs. Enfin, je peux vous dire moi. Que de toute la saison, on a les 5 TikTokers qui chante le moins bien de la Terre. On a un niveau cette semaine, un level. Du coup, j'ai une chance. Ah oui, non. Ah oui, non, mais c'est possible. C'est encore pire. Non, il y en a pour tout le monde. C'est la nouvelle chanson comme des vieux machins. Il y en a pour tout le monde. Je vais tenter. En attendant, si ça vous dit, on fait les infos qui passent à la trappe. Allons-y. Selon un article universitaire, la Tesla qu'Elon Musk a envoyée il y a 5 ans dans l'espace a 22% de chance d'entrer en collision avec la Terre dans les 15 millions d'années à venir. Hein. Voilà. Et elle a aussi par ailleurs 12% de chance de s'écraser contre Vénus ou le Soleil. Donc si vous avez bien compris, 22% de chance que ça tombe sur la Terre et 15 millions d'années pour que ça arrive. Voilà. Pour avoir une Tesla gratos, faut que votre espoir... Je pense, clairement. En deux, dans l'actu, on avait aussi qu'un jeune Belge sur cinq a déjà reçu une photo à caractère sexuel non désiré. Une personne sur cinq, un jeune sur cinq. Bon alors, les jeunes, chez eux, c'est 15-25 ans. Maëva, tiens, ça fera monter la moyenne du sondage. Trop dégueulasse, en plus, il n'y a rien sur la photo. Ok, mon ego. Toujours plaisir. Sympa. Dernière actu, ça vous tente ? Oui. Google, ils veulent rester à la tête de la tech avec un concurrent qui arrivera pour concurrencer ChatGPT. Tu nous en avais parlé la semaine dernière, Maëva. Tout à fait. Alors, le PDG de Google a annoncé le lancement de son propre outil. Ouais, similaire à ChatGPT, c'est quasi le même, mais un peu plus récent, avec des informations aussi plus récentes. C'est une intelligence artificielle qui aidera aussi aux recherches et tout. Son nom, Bard. Bard. Bard. Bard. Vous connaissez son nom de famille, je suppose. Bard Google, non? Bardaf? Hey Bardaf, c'est l'embardé. Non mais t'es sérieux? Recule Kix. Ah ça va, je suis sûr que des gens ont ri. Va vérifier si tu... Allez, merci. Ouais, c'est ça. Reste-y et vérifie s'il n'y a pas à manger, on a faim un peu. 20h-22h, c'est la trappe sur KIF. La famille Newell juste après. Et là, Gérard Piqué va en prendre plein la gueule. C'est parti. Retour de Shakira. Accroche-toi, GG. Je crois qu'elle a oublié. Tiens, prends-toi ça, Gérard Piqué. Urban Music Non-Stop, c'est bien. Ouais. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Maëva, si là je fais un malaise, fais comme si t'étais animatrice de l'émission et lance la suite. Ok, ça y est, on arrive au moment de l'émission qu'on a toutes les semaines. Il faut prêter l'antenne parce que voilà, l'électricité, tout ça, ça coûte cher. Et vu qu'on a le cœur sur la main, on prête l'antenne à Radio Falminioul, une petite radio dans une petite caravane dans un petit village. Et voilà, deux petits vieux qui vont nous faire rire. C'était très bien J'espère. Fait. Et en plus, elle les aime. Oui. On l'a fait mousser chaque semaine avec ça parce qu'elle ne supporte pas cette séquence. C'est pas que je supporte pas, c'est celle qui, moi, que j'accroche le moins. Comme toutes les autres séquences d'ailleurs, hein, mais elle ne nous le dit pas. Radio Falminioul, pour tous les amoureux de radio, voici ce qui se passe encore vraiment dans certains endroits de la Belgique. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où la fréquence a été piratée. Bonjour chers auditeurs de la 97.8, bonjour également aux auditeurs connectés en DAB+. Je sais pas ce que c'est. Parrain et marraine de cette émission cette semaine, Papy Paul de Profondeville. J'en tiens mon casque. Ça me casse les oreilles. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Je dirais que nous avons été piratés. T'es sûr de ça? J'en ai bien l'impression. T'entends? Bah oui, je l'entends qu'il est bête celui-là. Merci, c'est bien qu'on nous pirate. Je suis pas encore redevenu sourd. Ouais, ça va, hein, ça va. T'étais calme. Ne nous emportons pas et tentons de régler le problème. Guy, regarde un peu sous la table si c'est pas un problème dans les câbles. D'accord. Alors, Guy? Ah non, mais c'est pas moi, j'ai rien touché! C'est quoi le petit boîtier que t'as ramené en studio? C'est ta boîte de pilules? Ça? Non, c'est un gadget que j'ai confisqué à mon petit-fils. Attends, sors un peu du studio avec. Bon? Oui. Et reviens maintenant. Ça m'a tout l'air d'être ça. Et tu n'as pas l'impression que ça ressemble à un petit brouilleur de signal, ton bazar? Ah oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça y ressemble. Bon, écoute, garde-le. On va s'en servir pour démolir la concurrence. Mais qui? On pourrait pirater les grosses têtes de Philippe Bouvard. Merveilleuse idée, ça, mon Guy. Bon, vas-y, je te laisse gérer et dis-moi quand c'est prêt. Voilà, c'est bon. Je l'active. Écoutons RTL pour voir si ça a bien fonctionné. Les grosses têtes de Philippe Bouvard arrivent d'ici quelques instants, malgré les perturbations techniques que nous subissons actuellement, suite à un brouillage émis depuis la radio Fanlidol. Le temps d'écouter un titre, nous allons court-circuiter leur émetteur. T'as entendu ça ? On riposte ? Je crois qu'ils ont déclaré la guerre. Soldat Guy ! Oui! Balance l'émetteur au maximum sur RTL! J'active mon brouilleur à fond! Ici RTL, nous vous offrirons tout le promo. Et prends-toi ça! Je crois que la partie est finie. Oh non! C'est perdu, Guy. On va refaire un émetteur avec un cintre en métal. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Sérieusement, où est la limite? Il n'y a plus de limite. Tout est permis. La semaine prochaine, quoi? Découvrez le jour où ils ont fait atterrir un avion. J'ai hâte de réécouter ça en podcast. Oh la vache. Disponible sur toutes les plateformes. De 20h à 22h, c'est la trappe sur Kayev. Oh, mais installez-vous. Bah, bien sûr, Jean-Michel, prenez place. Allez, la petite chaise là. Sont là? Oui, installez-vous, c'est à vous dans 3 minutes. Mais mes fesses débordent un peu, hein. Ah bah ça. Ramenez une deuxième chaise pour enfin. Merci. Oui, franchement, et je trouve que vous vous maintenez, Jean-Michel. Vous avez pas pris forcément beaucoup de poids avec les fêtes, hein. Bon, ça va encore. J'ai tout donné à mon équipe. Sympa, toujours avec elle. Le 20h-22h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Il est l'heure de faire la mise à jour avec Maëva. Nous allons parler technologie, surtout réseaux sociaux, puisque c'est la grande arrivée, vous savez, de ce badge payant sur Twitter, le Twitter Blue. C'est oui, pour voilà. être certifié. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Mais alors déjà, ça fait une semaine exactement que c'est sorti en France, parce D'accord. qu'avant il y avait déjà aux États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie. Ouais. Toujours pas en Belgique, hein, d'ailleurs, si je peux me permettre. Tu sais, il nous a fallu 15 ans pour avoir Amazon en Belgique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors voilà, qu'est-ce que c'est? Mais comme tu l'as dit, c'est une version payante de Twitter qui propose des petites pastilles de couleurs qui classent ses utilisateurs pour la modique somme de 9,60€ par mois. Est-ce qu'on peut mettre cette pastille dans les WC? Non, mais j'essaie de trouver une vraie utilité à cette pastille bleue. Mais alors voilà, donc déjà, je vais donner le code couleur des pastilles. Donc les bleus, c'est pour les comptes certifiés. Gris ou jaune, c'est pour les organismes gouvernementaux ou entreprises officielles. Et les étiquettes spécifiques, c'est pour les robots ou les médias affiliés à des États. Ouais. Alors c'est pas juste pour la pastille, comme tu le disais, juste pour la petite couleur. Il y a un classement, le classement des utilisateurs Twitter, ça va avoir une implication importante sur la visibilité des tweets. Du coup, Twitter compte mettre en haut des réponses, les tweets, les abonnés payants. Et par exemple, d'un autre sens, il recommandera pas les comptes d'entités médiatiques affiliées à un État, etc. Je traduis, vous payez votre tweet, il est vu. Voilà, oui. Vous ne payez pas. Votre tweet, il arrive en fin de fil, quoi. En gros, c'est plus ou moins ça. Et alors, vous allez me dire, la petite pastille bleue, elle existe déjà. Qu'est-ce qu'on me raconte? Mais en fait, oui, elle existe. Elle est gratuite, donc il faut remplir certaines conditions, être connu, etc. Mais d'après Elon Musk, elle est amenée à disparaître. Donc, du coup, si on veut continuer, enfin, les personnalités qui, parce que nous non, mais les personnalités qui veulent continuer à faire de l'influence sur Twitter vont devoir à un moment ou un autre payer cet abonnement. Donc, ça veut dire que je prends, je sais pas moi. Allez, prenons le plus gros, Donald Trump. Voilà, Donald Trump, il est de retour sur Twitter, il a sa pastille bleue. Il en a pas une grise parce qu'il est plus dans le gouvernement. Ouais, c'est vrai. Il a une pastille bleue parce que c'est une personnalité publique, mais ça veut dire qu'à terme, il devrait se l'acheter. Mois, s'il paye pas, il va la perdre sa pastille, comme tout D'accord. le monde. D'accord. Et donc les gens qui ont une pastille bleue, ils peuvent largement chanter. Oh merde, il était mal calé. Moi, je voulais qu'elle fasse I'm blue, dabedi, dabeda. Oh merde. Et du coup, le bilan de tout ça, parce que bah, c'est sorti il y a déjà quelques mois, fin juin, aux États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. et Canada, etc. Mais en France, c'était il y a même pas une semaine. Et si on fait un bilan total, moins de 0,1% des utilisateurs de Twitter on se sont tournés vers cette version de Twitter. Voilà. Ok, et combien ça coûte ? Devenir Twitter Blue, si là on veut en France se payer le badge. 9,60€ par mois, c'est mensuel. Bah franchement, je préfère mettre 9 balles dans un Netflix ou dans un truc comme ça que de me foutre 9 balles juste pour avoir cette pastille. Et je vais vous le dire honnêtement, elle va perdre complètement de sa valeur à partir du moment où Monique, la femme de Jean-Michel, pourra se créer un compte Twitter et avoir sa pastille bleue. Monique, on parle de toi. Non mais c'est vrai, c'est fou. Et cette pastille bleue servait de base juste pour dire attention, il y a des fakes, ça c'est la vraie personne, on a vérifié. C'est ça, mais c'est devenu un vrai... Enfin, c'est un business en fait. Je suis sûr, vous tapez sur YouTube comment avoir la pastille machin, vous allez tomber sur des milliers de vidéos. Mais oui, On avait traité une fois dans cette émission une grande arnaque à la pastille bleue qui s'était faite. C'était un gros dossier qu'on avait fait, ça retrouve en podcast. Franchement, c'est ahurissant. Mais oui, oui, parce que en fait, il faut vraiment le prouver, etc. Il y avait tous des trucs à faire. Là, n'importe qui pourra payer. Oui. Mais maintenant, c'est qu'une pastille bleue. Mais c'est en termes de business, si on fait de l'influence, qu'on veut vendre des trucs, la pastille bleue, tu peux, faire x100 tes chiffres de ce qu'on te rémunère. Vous savez quoi ? Tout ça pour l'apparence. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Putain d'époque. Kix, est-ce que tu serais prêt à payer pour avoir la pastille bleue ? Non. Déjà, j'essaye même pas de l'avoir de base, alors... Ouais. Bah, et puis même... Non, mais franchement... Mais je trouve ça... Ouais, comme tu dis, ça perd de sa valeur, donc je trouve ça un petit peu débile de commencer à payer. Parce que du coup, si tout le monde le fait, tu n'auras plus confiance au personnel, aux gens. La pastille bleue, c'est comme Wikipédia. Tu vois, une fois que t'as ta page Wikipédia, ouais. ça coûte rien. Mais c'est vraiment le... Voilà, tu as existé sur cette terre. Ouais. Bravo. Eh ben la pastille bleue, ça rejoint exactement cette démarche psychologique pour moi. Alors que la payer, c'est vraiment, mais c'est comme Est-ce que Monsieur Jadoul a son compte Wikipédia ? Enfin, une page Wikipédia ? Non. Encore. Cité un peu sur 2-3 articles de radio niveau de Wikipédia. Harcèlement. Oui, c'est ça. Les affaires qui sont au tribunal. Qui sont pas encore classées. Ouais. Mais non. Et puis, j'ai une carrière qui mérite pas une page Wikipédia. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Mais là, non. On te le souhaite. Alors, à tout Bruxelles qui écoute, écrivez maintenant sur Wikipédia. Non, j'ai aidez-moi à voir la pastille bleue. Et franchement, il y a plein de gens que j'admire dans ce métier qui n'ont même pas une page Wikipédia alors qu'ils ont fait un travail immense et qui, pour moi, devraient être vraiment reconnus et un peu gravés dans le marbre. Ouais. Tandis que, voilà, il y a des gens qui ne le méritent pas forcément, qui en ont une. Mais bon, ça, c'est la loi de la vie. Et puis, c'est toujours comme ça. Merci, Maëva. Avec plaisir. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Jean-Michel, pas une goutte de plus, c'est à vous dans 3 minutes. Promis. Oui, on va dire ça. D'accord, merci, je vous fais confiance. Jean-Michel. Santé. Non, mais non. Oh, j'en ai mis sur la banquette. Jean-Michel, relevez-vous. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Alors, il est temps de retrouver son crypto-troquet Jean-Michel qui est là avec nous. Pardon, j'ai pas ouvert votre micro, Jean-Michel. On m'en fait couper le beignet. On dit claquer le beignet, madame. Oh là, je sens que vous êtes en forme, ça va être encore fabuleux. Votre micro, là, ne tient pas. Je pense qu'il faudrait, comme non, j'ai vu ça dans une radio flamande, c'était fou. Vous savez, les micros serre-tête. Ah oui. Ils font des matinales avec des micros serre-tête, comme ça vous pouvez vous déplacer partout, même aux chiottes, on vous entend. Oh, quelle horreur. Moi j'ai vu des gens qui faisaient du sport avec ça à la TV. Oui, non, mais ça c'est. C'était pas beau à voir. Gym direct, c'est autre chose. Enfin bref. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Jadoul. Vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui, c'est quoi dans vos mains ? C'est un petit appareil. Ah d'accord, c'est un visio baby, un babyphone là. Enfin, c'est un truc pour surveiller un bébé en vidéo. De quoi ? Ça ? Ça oui. Oh, ça c'est rien. C'est pour gagner un petit peu d'argent. Je fais du babysitting. C'est facile tous les jours, hein. Attends, Maëva, on lui a confié un bébé. Mais qui, pourquoi, comment ? Il fallait que je gagne un peu d'argent, hein. Il s'appelle comment, ce petit ? C'est quoi son nom ? Non. Faut pas lui demander, hein, sinon il est parti pour des heures. Bon, je viens à peine de réussir à le faire taire. tant qu'il est calme, je peux lui couper, je peux couper mon micro et boire un petit coup dans ma bière. Hein. Il me fatigue. Non, alors déjà, Jean-Michel, un, profitez qu'il se taise pour ouvrir votre micro, hein, parce que... C'est, vous êtes sérieux? Posez ça, arrêtez, ah, allez, c'est bon. Ça va mieux. Vous profitez que le micro est ouvert, vous profitez que le bébé se taise. Et d'ailleurs, vous ne buvez pas dans le studio, enfin! On est où, là? Non. Oh, c'est pas possible. Vous savez, tout l'électronique qu'il y a autour, là? Non, mais... Faut que je reprenne mon souffle, là. Et quoi, c'est quoi le problème, en fait? Vous aimez pas le petit? Vous savez pas le blairer, en fait, je comprends. Bah, c'est-à-dire, en fait, que... Ouais. Je vais vous le dire en musique, ça sera mieux. Ah ouais? Mon bébé, c'était... C'est pas le gosse que je préfère. Je le fais pour le salaire. Et un peu pour sa mère, qu'elle est bonne. Oh non! Mais non! Jean-Michel! Non, mais enfin... Jean-Michel, on est sur une antenne, on est en direct, dites pas ça. Bon, ça va, hein. Je parlais de la bière que j'ai mis dans mon verre. Au blonde et en mer, aujourd'hui comme hier. J'aime la bière. Merci Jean-Michel. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Et à votre santé, parce que franchement, ça reste en tête. J'aime la bière. Il a fait fort cette semaine. D'ici quelques minutes, le certifié arrive. On va parler d'une boutique érotique. Ça arrive juste après le jeu suédois. Ouais, on va jouer avec Ikea. Dites. Ça y est, il n'y a plus de séquences sérieuses là. Non, c'est fini. On n'en veut plus. On n'en veut plus. On peut se lâcher? Oui. Oh, 2000 watts de puissance sonore et 15 000 watts de puissance lumineuse. C'est parti. Ça va être encore une grande émission. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. C'est l'heure de faire notre... Je craque. C'est l'heure de faire notre jeu suédois. Suédois qui dit Suède dit... IKEA. Mais comme on a la radio, on peut pas le citer, on va dire... IKEA. IKEA dans une autre marque, ça. IKEA. Voilà. Le jeu est très simple. Vous devez deviner des objets IKEA, des produits, okay, voilà, sur base de leur nom suédois. Sauf que c'est un peu compliqué. Donc on s'est dit qu'on va faire trois propositions. Un meuble. Ah non, pardon, j'ai cru que ça avait commencé. Ça veut dire que par exemple, si je vous dis qu'est-ce que c'est un Jadoul, vous allez dire A, B ou C aux propositions que je vais vous faire. Ok. D'accord. Simple, basique. Vous allez voir, c'est très facile. On commence par Kix. Aïe. Kix, oui. Peux-tu mettre le son juste à côté? Oui. Voilà, on le forme en même temps. Vous voyez, en direct, il prend possession du matériel. Voilà. L'animal, dans son milieu naturel... Je touche à tout, ça tactile ici. ...découvre tous les ustensiles mis à sa disposition. On dirait ça, la musique. On se concentre, Kix. Ouais, c'est bon, c'est le cas. Kix, oui. Ah oui, mec bizarre là. Excusez-moi. John Axel. Quoi? John Axel. Ça, c'est une chanteuse. Est-ce que c'est A, une étagère, B, une chaise, ou C, une fusion de John et Axel? Ah. B. Tu dirais B, une chaise? Oui. Non, c'était une étagère. Ah mince. Kix. Bon, bah. Oui. Vilm, est-ce que c'est A, un coussin avec un sourire imprimé? Oui, parce qu'il a le Vilm. Vilm. Le Vilm. Ou B, est-ce que c'est une chaise? Ou C, un dyslexique qui dit film? Allez, moi j'aime bien le B, je veux dire le B. B, une chaise? Ouais. Bonne réponse! Ah, yes, je l'ai! Une dernière? Bah oui. Pax. Pax. Qu'est-ce que c'est? A, un moyen d'officialiser une union. B, garde-robe dressing. ou alors en C, un essuie de cuisine. Un C. Tu dirais un essuie de cuisine, pas que c'est un essuie de cuisine ? Oui. Non. Oh. C'était une garde-robe dressing. Désolé, ça te fait qu'un point. Super. Maëva ? Bah, c'est déjà bien. Ouais. On y va ? Oui. H-E-M-N-E-S. Est-ce que c'est A, une boîte ? B, un champ national ? Tiens, M-N. Ou alors C, une gamme de meubles ? C'est la gamme de meubles. Bonne réponse, bravo. Deuxième. Besta. A, une gamme de meubles de salon. B, une gamme de potes. C'est mon besta. C, une gamme d'ustensiles. Gamme de meubles de salon. Bonne réponse. Ah, tu travailles là-bas? Non, mais j'aime flâner dans un Ikea. Avec cette musique-là. Dernière. Plasta. Est-ce que c'est A, une gamme d'armoires ? B, le plat de ta grand-mère que tu manges deux semaines ? C, une assiette ? Paula, Paula, Paula. Une assiette ? Plasta est une assiette ? Non. Ah. C'est une gamme d'armoires. Kix ? Oui. À mon tour. Tu veux jouer ? Oui, je veux sûr. Oui, j'ai pas les réponses, donc okay. Quoi bon. Qu'il arrive, j'ai pas le choix. Proposition ? Attention. Non, d'abord le nom de l'objet. L'X ? Oui, bah oui, oui. L'XL Lovas. On dirait le nom d'un coach en séduction. Bon, je pense que c'est là-dessus que je dois appuyer. Proposition 1. Ah, je le fais, t'inquiète pas. Ok. Bon. Une incantation sataniste. Non. Le divan-lit de ma cousine Gertrude. En B. Un rideau. En C. Je dirais... Je dirais le divan-lit de ta cousine. Le divan-lit de ma cousine, eh bah ben oui, c'est la bonne réponse. Pourquoi tu m'as donné la feuille ? Bah comme ça t'as les propositions, mais t'as pas les réponses. Ah mais je m'en fous, j'ai déjà cette feuille-là. Ah ok, bah parfait. Voilà. Allez, le suivant, attention. Ouais. Urban. Urban. Ça fonctionne bien. Alors, est-ce que c'est une chaise horrible ? Le paquet de cigarettes de Maëva. Oh. Le prénom du patron de Kayef. Je dirais le prénom du patron de Kayef. Non, c'est une chaise horrible. Mauvaise réponse. Ok. Attention. Klimpen. Est-ce que c'est la clim en allemand, un pot de fleurs ou un bureau ? Je dirais un bureau. C'est une bonne réponse. Ce qui me fait... 2 points. 2 points. Maëva, tu as gagné. Ben non, on est égalité. On est égalité ? Mais oui. Alors, je vous fais un bonus. Je peux vous le faire ? Bah, bah fais-moi un bonus à moi, j'ai perdu. Ok, d'accord. Vas-y, vas-y. Et au pire, vous le faites à deux, non ? Ou chacun un ? Ouais, chacun un, bien sûr. Okay. Billy. Billy. Est-ce que c'est un meuble pour ranger les livres ? Facile. Est-ce que c'est l'ours de Jules ? Ou est-ce que c'est un porte-savonnette ? Tu t'adresses à qui, là ? Bah, Eva. Ah. Oh ! Bah, alors moi, je fais... Tu le voulais ? Bah, tant pis. Vas-y. Vas-y. C'est tout ce qu'on range. Galant, on range des livres dans Billy. Dans qui ? Dans Billy. Ah, j'ai entendu dans Billy. C'est un meuble pour ranger des livres, c'est ça. Bonne réponse. J'en ai chez moi. Du coup, ça fait encore un point pour Maëva. Ouais. Et pour le petit Jadoul, attention, est-ce que vous êtes prêt, monsieur ? Bratulte. Bratulte. Proposition 1, une caisse de rangement, un porte-savonnette, encore un, il revient, ou le canapé de mon cousin. Le canapé de ton cousin, j'en ai rien à foutre, c'est bon, ça m'a saoulé. Et non, c'était une caisse de rangement. Oh ! Voilà, mauvaise réponse, Maëva a gagné. Bravo Maëva ! Merci ! Dans quelques instants, le certifié arrive et le blanklet pour terminer cette émission en beauté. Oh là là, mesdames et messieurs, on a plein de choses à faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas débrancher la radio. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Voici Dadjo avec Zao. Yeah. On sait... Oh. Qu'est-ce que tu voulais dire ? On se fait du mal, c'était le titre. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle surtout ? On se fait du mal, là. J'ai plus ma place. 22h01, il y a du pain sur la planche. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet ? Oh non. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Vous allez bien ? Très bien, en forme. Nickel. Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici. Parce que là, on va parler d'un établissement de vente lié au sexe. Ah. Il s'apprête à ouvrir à Waterloo dans un quartier résidentiel et commercial et c'est passé à la télé carrément, tellement ça faisait du bruit. Ça ne me choque absolument pas. Maintenant, il en faut un peu pour tous les goûts. Ce sont là. Direction Waterloo à présent, où l'installation d'une boutique érotique dans un quartier résidentiel fait beaucoup de bruit. Les voisins n'en veulent pas. Oh non. Et durant l'installation des travaux, les travaux d'installation plutôt, pour ouvrir cette boutique érotique, RTL TVI s'est baladé dans l'une des avenues les plus passantes de Waterloo pour avoir l'avis des riverains. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'installation de cette boutique érotique? Ça ne me choque absolument pas. Maintenant, il en faut un peu pour tous les goûts. Bon alors tout va bien. Oui. Bah oui. Si on se base sur cet avis, tout va bien. Ah non, il y a un mec qui arrive en courant vers l'équipe de journalistes pour signaler un problème. À moins de 250 mètres derrière vous, il y a une école. Ouais. À moins de 250 mètres derrière moi, il y a une autre école. Ouais. Et en plus, il y a des petites danseuses juste à 100 mètres en face. Bah, s'il y a des petites danseuses. Nickel. La boutique érotique, ça va. Ah non, c'est des enfants qui font de la danse, oui. D'accord. Okay. Et bon, les petites danseuses de la rue des Scott. Poulette. Oh d'accord, bon bah tant pis. Non mais bon, en vrai, une boutique érotique de l'extérieur. Oui. Bah oui. C'est vraiment, c'est encore plus ou moins caché. Oui. Enfin, bien moins. C'est implicite quand t'es petit, voilà. Tu devines pas que en arrière boutique, on peut le dire, il est 22h03, voilà, il y a d'autres services. Bon, visiblement, ça choque aussi les voisins. Cette habitante s'inquiète. Sa maison et son jardin jouxtent l'établissement qui a déjà installé des pompes à chaleur pour ses jacuzzis. Cinéma pornographique, il y a une salle SM tout en haut, à côté de la chambre de ma fille, hein, parce qu'il faut savoir que plus ça monte dans les étages, plus ça va être art. Et donc, je ne sais pas qui, psychologiquement, peut vivre à côté de ça. Elle a un plan, une carte, elle a déjà été. Comment elle sait ça? Dire, elle m'a l'air bien informée. Elle voit à travers les murs. Une salle SM juste à côté de la chambre de ma fille. Ou alors elle a déjà visité. Bah oui, à mon avis, c'est ça. Elle était voir un film en avant-première. Donc c'est pas qu'un petit magasin d'objets. Donc tant que l'isolation est bonne, oui, moi, c'est ce que j'allais dire. Parce que autant je trouve qu'ils sont un peu rabat-joie, mais si tu colles le mur de la chambre SM, j'avoue que c'est pas hyper top quoi. Je vous rassure, hein, la voisine, entre guillemets, elle a le jardin qui sépare du okay. De l'endroit. Ah hein. Oui. Donc ça va. Ouais, oui, il y a pas de fenêtre, je suppose. Enfin, non, il y a pas de fenêtre. Il y a la distance pour les projectiles. Est-ce qu'il y a des fenêtres dans les salles SM? Non, il y a rien. Et franchement, lui, c'est. Faut pas prendre de courant d'air entre les. Non, fesses. Mais j'ai vu le reportage. Franchement, elle est à 5 mètres de la maison d'à côté. Si elle entend des trucs, ouais. Faut que la gamine, elle dort la fenêtre ouverte. Enfin, je sais pas. Non, oui, qu'il fasse ça avec un parlophone. Bref. Ce qui est très drôle, c'est qu'au moment à 13h où était diffusé ce reportage sur RTL TV, vous preniez votre télécommande, vous appuyez et vous tombez sur ça sur France 2. À Laigneville, un couple a été visé par une plainte au motif un peu surprenant. C'est vrai parce qu'en fait, on lui reproche de faire trop de bruit pendant ses ébats sexuels. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Voilà des voisins pas contents. Ils ont peut-être des raisons de se plaindre, justement. Comment réagit un Français face à cette info? Moi, je préfère voir des gens faire l'amour que de se taper dedans. Oh. Enfin, en tout cas, moi, ça n'arrivera pas. J'ai plus les moyens. Vous savez quoi? Si tout le monde était comme lui, la vie serait belle. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Beyoncé! Tu sais quoi Maëva, c'est avec ce genre de son de Beyoncé que j'ai envie de m'émanciper en tant que femme. Fonce. Et dire beaucoup de conneries aussi. Ça vous dit qu'on démarre la Music Machine? Oui. Oui, la Music Machine. La Music Machine. The Music Machine. Music Machine. Music Machine. Oh yeah. C'est parti pour un blanklet exceptionnel cette semaine. On a pris les pires chanteurs de TikTok, mais quand je dis les pires, de toute la saison, vraiment, c'est les pires. Quelle chance. En préparant cette séquence, on a pleuré de rire. J'ai les réponses. Kix et Maëva jouent. Ils sont l'un contre l'autre pour essayer de deviner titre, artiste original, des chansons qu'ils ont massacrées sur TikTok. Je vous propose qu'on démarre avec le premier. Accrochez-vous, il y a du très haut level alors qu'on vient à peine de démarrer. Un peu spécial, elle est célibataire. Elle a les yeux revolvers. Elle Je peux jouer. Pardon, désolé. S'il vous plaît. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Vous avez compris, il n'y a plus de jeu. Hein. Ça veut dire qu'on a fait le chrono montre en main. Un peu spécial. C'est fait, c'était trouvé. Mais écoutez, est-ce que c'est une compétition? Oui. Mais voilà. Mais alors... Est-ce que t'as tous les disques dans ta tête? Dans ma tête. Dans ta tête. Dans ma tête, j'ai tout. C'est tout. Elle est très forte. On a un Américain cette semaine comme huissier de justice, c'est Maître Carré. Sur le temps que Maëva meurt. J'essaye de m'éloigner du micro pour décéder. Ok, let's go. Non. Je suis American. Ah d'accord. Ça va être très long encore. Il va pas faire l'enfeu celui-là. Donc Maître Carré. Maître Carré, yes, yeah. It's me. C'est vous, vous parlez le français? De l'anglais, c'est pas très bien pour moi. Non, mais bon, c'est ça cette semaine. Vous êtes témoin de tout ce qui se passe là. Ok. Donc c'était effectivement là, Marc Lavoine, c'est un point pour Maëva. Pour Maëva. Ouais. Merci. Et si on écoute la version TikTok. Elle a les yeux, le revolver. Elle a le regard qui tue. Ah là là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Faut arrêter de chanter dans ces cas-là. Moi, je ferai des pétitions. Un point pour Maëva, notez Maître Carré. Nous allons passer au deuxième extrait de ce Blanklet. Il dit là. Titre. Toi, tu l'as. Tu l'as pas, si tu l'as. Non, je te jure, je l'ai pas. Enfin, tourner dans le vide. Non. Voilà, je sais que c'est pas ça, donc. C'est un mot ou un truc ainsi. Attends, il faut plus que je l'écoute. Ça va, elle chante pas si mal. Hein. Elle s'appelle Irma. Irma Cover. C'est pas ma douce souffrance. Non. Non. Attends. Refrain. Oh, ça va un peu moins. Non. Ouais, c'est moi, juste. Danse. Non. Je danse. Ah, je danse. Danse. Danse. Danse. Oui, mais il y a un mot avant danse. La nuit. Non, la nuit danse. Danse. Ah, c'était dernière danse. Ah oui. Ah, c'était bon ça. C'est sûr que c'est loin de la version TikTok. Est-ce que je peux demander à Maître Carré d'accepter, puisqu'il y a comme eu une delay. Je trouve que c'est un bel effort de la part de Kix. Ok, on peut, ok. Yeah, merci. Okay. Thank you. Just one. Very much. Very much. Ça, c'est le cas de le dire. Voici le troisième extrait de ce Blanklet. Tout le monde se concentre. Oui. Nous allons toucher un chef-d'œuvre. Quelle horreur. Le jour s'est levé, téléphone. Maëva, Kix, tu nous laisses deux secondes. Maëva, je la prends par le cul. Allez, tu sors du studio maintenant. Mais elle est forte. Moi, je peux pas jouer. C'est incroyable. Kix, il a même pas le temps d'en placer une. Vous vous rendez compte qu'elle a trouvé avec... Voilà, elle a trouvé. Elle a trouvé juste avec ça. Oh, la vache, l'oreille. Allez, on l'écoute quand même. Pour le jeu, pour ceux qui voulaient jouer avec nous dans la voiture. Pardon. En fait, il faut couper les intros pour Maëva. Le jour s'est levé. On m'a écrit sur mon écran, Johan tente de chanter en tant qu'une femme. Assez loin de la version originale de téléphone, hein. Le jour s'est levé. Sur une étrange idée. L'étrange idée de chanter sur TikTok. Non mais c'est illégal de faire ça. Maître Carré. Ça fait ça fait tout pour Maëva. Ouais. Et one pour Kix. Yes. Yes. Okay. Thank you. Merci beaucoup. Vous validez cette reprise de Johan téléphone le jour se lève? Ouais, pas du tout. Nous sommes ici pour quoi? C'est Michael Jackson qui chante? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Oh, oh la vache. Non, on est pas les envolés. On est tous les deux sursautés. Mais on comprend même plus tellement il chante haut. Moi je le dis à tous ces chanteurs, chantez dans votre tonalité, sinon ça ne va plus. Chantez mais ne partagez pas. Allez, avant-dernier. Pas d'intro. Il est dur celui-là. Nanana. Il fait l'instru lui-même. Oh, ça tu connais. Nanana, nanana. Ah, ça fout la pêche. Ah, je connais, mais évidemment, le titre. Je connais pas le titre. Attends. 3. C'est pas ceux qui chantent comme les Cranberries. 2, là, non. Si, Blondie. Hein? Ouais, le titre. Une minute. On n'a pas une minute. On a une minute 20 avant la pub, alors. Coupe le micro, le micro. Blondie. Heart of Glass. Bonne réponse. Oh Dieu, je retrouve ça. J'ai été chercher loin. Permettre, le cover ne m'a pas aidé. Ah bah ça, et avec la guitare là. Ouais, c'est Michael qui a fait cette reprise à la guitare et Michael, on lui dit. Michael souffre d'hyperactivité et de troubles de l'attention depuis son plus jeune âge. Ah, les cordes doivent être usées de sa guitare. Oh la vache. Je vous propose qu'on fasse la toute dernière. La pépite de cette semaine, je vous la propose tout de suite. Affûtez vos tympans, voici la meilleure nouveauté de la semaine. Concentrez-vous, la voici. Si, oui. Ah. Moi je veux pas de concours de karaoké les week-ends, je suis désolé. Oh ça va, c'est, je l'ai fait pour une fois. Ils l'ont relancé en plus pour, les la France, ouais. Free from desire. Ouais, qui chante ça? Ah, c'est mignon. La dame, je sais pas son nom. Ah, je le sais. Free from desire. Ça c'est bon, on a le titre. Mais Eva se concentre, elle sue. Ouais, vraiment. Elle fait tourner tous les CD. C'est bien dans les blind tests. Écoutez cette reprise. Je vais me faire engueuler par mon père. Ah, j'ai envie de danser sur la table. D'ailleurs, tu reçois déjà des messages. Oui, c'est ça. Papa, envoie-moi la réponse. La, la, la, la. 4 lettres. Oui, oui, c'est un truc. Ça commence par G. Hein? G. Ouais, tu veux la réponse ou quoi? Gala. Gala. On peut féliciter quand même Ashley pour sa reprise. Attention, c'est la montée là. Il faut tout envoyer. Oh. Ceci est vraiment illégal. Attendez, là ça veut dire qu'elle est même plus dans les temps. Voilà. Moi, si j'animais des karaokés, ça fait partie des gens que bioup, je débranche. Vous savez, je coupe le micro, je coupe le récepteur, comme ça on est sûr de plus les entendre pour la soirée. Mais c'est une vraie question quand il y a des karaokés et que c'est vraiment pourri. Qu'est-ce qu'ils font les... Rien. Ils laissent. Ils doivent laisser. Mais oui, mais alors, si c'est un truc où il y a des consommations, un bar ou quoi, ça pourrait faire fuir des gens comme ça. Non, en fait, je pense que dans un karaoké, il y a du respect et tellement une espèce de, d'atmosphère où c'est pas grave si on chante tous mal, parce qu'on est quand même là pour ça. Les gens, ils ont déjà envie, enfin, eux déjà, ils ont du mal à oser franchir le pas et se dire bon, je vais aller chanter. Qu'après ça, même moi, je veux bien passer. Donc ça encourage, donc du coup, les gens, ils laissent. Ok. Et ben, vous savez quoi, après ces 5 champions de TikTok, il est temps d'aller faire dormir vos tympans. Oh oui, je ça confirme. Ça fait 4 points pour Maëva. Maëva a encore gagné? Yes. Maëva a encore gagné. Thank bravo, you, bravo, Gary. Bravo. Thank you very much. Ah ouais. Kix, one point. Pour tous les gens qui se foutent de la gueule de Kix, Vous avez raison. Vous n'avez pas tout à fait raison, puisqu'il a gagné une fois le Blanklet. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il était tout seul. Oh oui. Non, il a déjà gagné une fois contre moi. C'était en 1983. Je me souviens, c'était sympathique. On avait passé un bon moment. C'était un mercredi 20h, 22h20. C'est cela. Et je me suis juré que ça n'arriverait plus jamais. Plus jamais, oui. Bah, c'est bon. Le cas. On peut y aller ? Oui. Peut y aller. On va se coucher. Ouais, c'est l'heure du bus, oh ouais. Là, il faut qu'on prenne notre bus. On vous souhaite une très belle fin de semaine, que votre jeudi se passe bien, que votre vendredi soit encore plus merveilleux. Et nous, on se retrouve en très grande forme mercredi prochain. Ah oui. Et évidemment, en direct, même endroit, à partir de 20h. D'ici là, c'est disponible partout en podcast. Je compte sur vous. Yes. Tapez La Trappe, Jadoul, et vous tombez sur les meilleurs moments de l'émission, comme les replays intégrales. Voilà, ben c'est tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne nuit, bisous. Allez, on vous embrasse, passez une belle semaine. Ciao. Ciao, ciao. La Trappe revient mercredi prochain.